aime le film, moi, il m'a bien vu. Oui, mais il était pas marrant. Comment il était pas marrant? Il avait du fond. Quoi? Il avait du fond. Ah, oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la salle 5. Et aujourd'hui, je suis avec Victor. Comment ça va, Victor? Salut, Jade, ça va bien et toi? Ça va, pas trop mal aux dents, parce que Victor a une rage de dents. Du coup, il risque de souffrir pendant tout cet enregistrement, mais ça va. Ça va, ça va. Ça va aller. Ça va aller. J'espère que vous êtes bien installés dans votre siège numéro 42, parce qu'on va parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annonces de casting qui peuvent ou pas vous hyper pour le futur. Aujourd'hui, on rattrape le mois d'octobre. You have to adopt the mentality of an Irish street cop. The world is a bad place. People are lazy morons. Minorities are criminals. Sex is sick but interesting. Ask yourself what would scare my grandmother or piss off my grandfather. And that's a Fox story. Oh, it makes so much sense. Women are everywhere. We're letting them play golf and tennis now. HR's on the phone because you called me a skirt. Yeah, I gotta read that manual again. The attitude off camera was even worse. You're a man-hater. Learn to get along with the boys. You're sexy, but you're too much work. I have a whole list. Will other women come forward? You may have heard there was a dust-up involving yours truly and presidential contender Donald Trump. There was blood coming out of her eyes, blood coming out of her wherever. Oh my God, did he just accuse me of anger menstruating? Wait, am I gonna be the story? No. No. I'm gonna be the story. No. No. Nobody stops watching because of a conflict. They stop watching when there isn't one. I want to convince you that I belong on air, Mr. Ailes. I think I'd be freaking phenomenal on your network. I could pluck you out and move you to the front of the line. But I need to know that you're loyal. We are beyond that. I need you. The Joker and I broke up. I wanted a fresh start. But it turns out, I wasn't the only Damon Gotham looking for emancipation. Spectacular news! Miss Quinn, she belongs to me. Who are you guys? Here's the deal, Quinn. You need me! We should order pizza. Big Cosmos. Harley, focus. Okay. I'm the one they should be scared of. Not you. Not Mr. J. Because I'm Harley freaking Quinn. Alors directement, Matrix 4. Neil Patrick Harris a été casté dans Matrix 4, je sais pas si t'étais au courant. On sait pas son rôle, je sais pas, je pense pas. On sait juste qu'il est dedans, mais... Je suis à nouveau en Matrixerie, donc... En Matrixerie. Et ben justement, tu seras ravi d'apprendre que Jada Pinkett Smith reprend son rôle de Matrix. Alors, c'est un très lointain souvenir que j'en ai, mais il me semblait que son personnage était mort, donc... Ok, curieuse de voir ce qu'ils vont faire, enfin ce qu'elles vont faire avec ça. Sans transition aucune, Batman, enfin The Batman. Je sais pas si on avait déjà parlé pour dire que bah le Robert prochain Pattinson, Batman c'est Robert Pattinson. Ouais. Et ce mois-ci il a été annoncé que The Riddler, donc l'homme mystère en français, ce sera Paul Dano. Trop bien. Que j'avoue trop bien, j'adore cet acteur que vous aurez pu voir, que vous avez pu voir dans Okja. Dans Velvet Blood, Prisoner. Prisoner, c'est ça que je cherchais. Donc, si vous cherchez un mec qui a un physique un peu atypique et qui se fait tout le temps bolos, c'est ça, c'est exactement des acteurs, le personnage. C'est Paul Dano. Donc, mais franchement, j'adore cet acteur, c'est un tueur à gages de l'acting, tout simplement. C'était aussi le jeune. muet, enfin, qui fait vœu de silence dans Little Miss Sunshine, c'est ce que j'étais en train de chercher exactement, avec une magnifique coupe des cheveux très dark. Et Catwoman qui sera Zoé Kravitz, et ça me, je voilà, j'ai des cœurs dans les yeux, des étoiles dans mon cœur, et je suis fan absolue de Zoé Kravitz, et je suis ravie que ce soit elle. Et à la composition de la BO, ce sera Michael Giacchino qui avait composé la BO du dernier Spider-Man, de Lost aussi, il me semble, et de plein d'autres trucs. De tout le monde, des films de Brad Bird en général, donc Les Indestructibles, Tomorrowland, c'était lui. Je vais faire toutes les onomatopées. Docteur Strange, Docteur Strange, c'était lui. Et ben, tu m'offres une transition toute prête, mais pour après, parce que j'ai encore un truc. Parce que ça va être beaucoup de MCU et de DCU, je te préviens tout de suite. J'ai encore deux trucs dans le DCU. Wonder Woman 1984. Ça a été annoncé par Patty Jenkins herself que le méchant, enfin un des méchants, Maxwell Lord, va être joué par Pedro Pascal. Alors. Je m'attendais pas à ce soupir. Moi, je pensais que t'allais être content. J'aime prendre bien Pedro Pascal. Mais j'aime bien Pedro Pascal. Franchement, j'ai vu le look du personnage. L'image. Bah, ses prothèses cheloues. Son maquillage. Et j'ai l'impression que, vu comme c'est parti, j'ai vraiment peur qu'on ait un espèce de simili Donald Trump. Vu que c'est adapté du comics. Ouais, mais il a le look, tu vois. Bah, il a le look d'un connard de Wall Street, quoi. Enfin, d'un connard américain. Je connais pas trop ce personnage, trop lu les comics Wonder Woman. Donc, je sais pas du tout qui est ce personnage, en fait. Je sais juste que c'est un méchant qui, il me semble, est télépathe et donc contrôle un peu les gens comme un con. Parce que c'est un méchant. Mais après, il y a moyen que ça fasse écho et tout un peu. Mais après, il faut garder à l'esprit que c'est 84 et c'est adapté d'une BD qui. Enfin, c'est un personnage qui existe depuis déjà très longtemps. Oh là là, c'est Big Brother ou quoi? Et DCU, encore une fois, et on va parler d'une personne pour qui on a énormément d'amour dans ce podcast, Dwayne Johnson. Il a dit que le tournage de Black Adam, qu'on attend avec impatience depuis des années et des années, puisque ça a été annoncé en même temps que Shazam, et on attend toujours la cinglingue, Victor a 47 ans. Je tousse. Et donc Dwayne Johnson a annoncé, enfin il a dit sur Twitter que le tournage de Black Adam débuterait en juillet, enfin en été. Je sais plus s'il a dit juillet 2020 ou s'il a dit été 2020, mais en tout cas 2020. Donc a priori, 2021, ça devrait commencer 2021, peut-être Black Adam, j'espère, parce que j'ai vraiment adoré Shazam. J'adore vraiment beaucoup Dwayne The Rock Johnson. C'est donc, toujours utile pour chercher des chansons. Tu sais que j'ai cet appli sur mon téléphone depuis que j'ai mon téléphone. Je l'ai jamais utilisé. Je l'ai utilisé, je crois, deux fois, mais je l'utilise plus. Parce que maintenant. Parce que tu connais tout sur les. Parce que je suis une bibliothèque iTunes vivante. Non, voilà. Maintenant, on va passer au MCU. Et je reviens au fait que tu m'as dit que Michael Giacchino avait fait la BO de Doctor Strange. Au scénario de Doctor Strange 2, qui s'appellera Doctor Strange The Multiverse of Madness, dans lequel il fera une équipe avec le sang de la veine Scarlet Witch. Devine par une personne qui porte quel joli prénom va-t-il scénariser ? C'est de deviner le prénom de cette jolie personne, sachant que j'ai dit jolie trois fois et que j'ai dit que. Non, et que j'ai dit que le personnage principal, mis à part Doctor Strange, était ma vie, le sang de la veine. Exactement, la scénariste s'appelle Jade Bartlett. Alors, j'ai regardé son IMDb, elle a pas fait grand-chose en. Scénario, elle a scénarisé un truc qui s'appelle Miller's Girl, et je connais pas du tout, et il me semble qu'elle a fait quelques 2-3 trucs en tant qu'actrice, donc voilà, à voir, mais elle s'appelle Jade, donc moi je lui donne toute ma confiance. MCU encore, enfin pas MCU mais Marvel encore une fois, Venom 2, on s'en fout. On s'en fout, mais ça a été annoncé qu'une des méchantes donc, du coup sera Shriek et non pas Shrek, ça aurait été vraiment charmé. Mais non. Shrek qui est, il me semble, la meuf de Carnage. T'as été Bob. Hein. Son. Ah non, tu l'as vu, Venom? Oui, je l'ai vu. La scène où on voit Woody Harrelson, donc qui va jouer Carnage, ouais. Tu le vois avec des immenses cheveux palmiers rouges. Putain, j'avoue. Qui font, en fait, ils veulent faire un crossover Simpson-Tahiti. On est toujours au point Simpson-Venom. Le point Simpson. Voilà, il a été atteint en 7 minutes précisément. Si vite. Oui, donc Shriek sera peut-être potentiellement joué par Naomi Harris. Naomi Harris qui joue Bonnie Penny dans James Bond. Et James Bond qui vient de finir d'être tourné. Il reste encore bloqué au Shriek. Shrek. Shrek, apparemment, qui aura un remake. Oui, par Illumination. Enfin, un reboot ou un remake, studio. Je sais pas. Oh putain, ils vont nous foutre une connerie, genre des minions dedans. Enfin, encore un nouveau personnage. Ouais, ce sera plus pareil, il y aura plus. Pourquoi faire un remake Mouse, alors je sais bien que. Imagine Dragons qui fait voilà, Smash Mouse. Mais je sais bien qu'il y a tout ce débat entre énormes guillemets de. Il y en a marre des reboots et des remakes et tout, mais là en l'occurrence, pourquoi faire un remake de Shrek ou un reboot, peu importe. Tu peux pas faire mieux que ce que c'est déjà. Enfin, oui. Non, on peut plus réavoir Smash Mouth All Star. Tu vois, c'est le truc, c'est iconique, c'est un mème et tout partout. C'est impossible de faire mieux ou de faire autre chose. Enfin, je sais pas. Bref, tout ça pour dire que dans Venom 2, il y aura peut-être Naomi Harris et pas Shrek et Tahiti Bob par contre. On va quitter doucement le MCU, le DCU, les comics, un peu Disney, tout ça. Enfin, pas vraiment Disney, parce que Star Wars, donc je crois qu'on en avait parlé dans un ancien rattrapage où on disait que les deux mecs scénaristes de Game of Thrones étaient sur la prochaine trilogie de Star Wars, mais finalement non. Sauf que ouais, plot twist. Parce que pas le temps, apparemment, ils préfèrent se consacrer à leur projet Netflix, donc c'est un peu obscur, mais on sait pas trop ce que c'est, mais bon, me soit. S'en fout un peu, non? Moi je trouve déjà, enfin c'est ouais. attention shitstorm incoming, et moi je trouve que c'est pas plus mal parce que déjà Game of Thrones c'est nul, pas ouf, voilà. Et en plus très récemment, je crois il y a deux jours, j'ai vu ça passer, c'était une genre de conférence, un panel, je sais pas trop quoi, et en gros ils racontaient un peu comment ils en étaient venus à faire Game of Thrones, leur expérience sur ça et tout. Ils avaient aucune expérience, mais en gros ouais, ils expliquent que c'était des gros cons qui faisaient chier tout le monde parce qu'ils savaient rien faire, et je comprenais pas pourquoi ils ont été engagés pour faire ça, parce que déjà rien que le gars, l'auteur de Game of Thrones, des livres, les aimait pas, il aimait pas leur projet et tout, oui, et, oui, non, mais, enfin voilà quoi, c'était quand même son œuvre à la base. Et ils ont quand même, je comprends pas, c'est insensé comment ils ont réussi à être engagés alors que ils avaient zéro expérience, et être engagés par un si gros sur un si gros projet, par un si gros studio et tout, pour être diffusé sur HBO, c'est fou. Et qu'au final, c'est pas comme si ça a été en s'améliorant, quoi. On voit comment ça. Enfin, je suis pas fan de Game of Thrones du tout, mais quand tu vois la réaction des fans par rapport à la fin et comment ça. Au fur et à mesure des saisons, comment ils en avaient marre, quoi. Enfin. Donc voilà, c'est pas plus mal que Star Wars soit. Débarrassé entre guillemets de ces deux personnes qui se concentrent tout de même à d'autres projets, donc on les reverra quand même. Voilà, si vous les aimez bien, pleurez pas, ils sont toujours là. Sans transition aucune, deux biopics vont faire leur apparition sur nos écrans incessamment sous peu, je sais pas trop quand. Le premier, un biopic sur Elvis Presley. Alors perso je m'en fous, par Baz Luhrmann, que j'aime beaucoup de tout mon cœur, qu'on n'a pas vu depuis The Get Down, ouais, il me semble. C'est ça, ouais. Et encore il avait réalisé, je crois, les premiers épisodes ou un truc du genre, comme à chaque fois pour les séries Netflix avec des gros réals. Et le gars qui joue Elvis, je crois que c'est Austin Butler, c'est ça? C'est Austin Butler, ouais. Et ça a été annoncé que la meuf qui va jouer Priscilla Presley, donc l'épouse d'Elvis, ce sera Olivia de Jonge, je sais pas comment on dit son de famille, qui joue dans une série Netflix, The Society. Regardez The Society, n'oubliez pas, saison 2, elle arrive bientôt. Voilà, tout ça pour ça. Et deuxième biopic sur Elizabeth Taylor, qui va être jouée par la femme de ma vie. Rachel Weisz. Oui. Alors, j'ai rien à foutre d'Elizabeth Taylor, mais j'irai quand même voir ce film. Ils m'ont eu. J'ai envie de voir Rachel Weisz en Cléopâtre, si je dis pas de conneries. Ah bon ? Parce qu'il me semble que c'est Liz Taylor qui jouait. Ah bah oui, exact. Ah, je pensais qu'il allait faire un genre un film sur Cléopâtre. Astérix. On va, il faut en parler cette info. Oui, vas-y, j'espère que tu l'as. Expert, j'allais en parler, mais expert cinéma français à cette table, vas-y. Non, parce que là, c'est un peu notre. C'est arrivé hier, il y a deux jours, je sais plus. Est-ce que les États-Unis, les Américains, ils font leur fière avec. Avec Disney, le MCU. Ça. Bah nous, on a le ACU. On a le. Non, le UCA, l'univers cinématographique d'Astérix. C'est magnifique. Avec l'USA. L'USA. Ou. J'avoue que ça n'empêche, c'était une franchise qui dure depuis si longtemps. Mais ouais. C'est fou. Ça fait 20 ans, 21 ans, il me semble. Astérix Obélix contre César, c'était. Presque aussi vieux que nous. Et. 7 ans après. La dernière adaptation live, parce qu'on a eu ensuite les deux films d'Alexandre Astier. J'ai vu que le deuxième, il était pas mal. Il était cool. Les 7 ans après Astérix Obélix au service de Sa Majesté, avec Vincent Lacoste, Forever dans nos cœurs. Ah oui, c'est vrai, j'avoue. Et ben, il y aura une nouvelle adaptation. Est-ce que ça reprend tout depuis le début ou est-ce que c'est une suite? Ben, un peu à la James Bond, c'est plus le même acteur, mais c'est une suite. Bah, c'est carrément ça, parce que depuis. Putain, c'est notre Docteur ou Astérix, quoi. Parce que voilà, alors après Christian Clavier, notre Christian Clavier national, ouais. Après Clovis Cornillac, après Edouard Baird, qui va jouer et réaliser ses nouvelles aventures? Alors, je vous le donne en mille. Il adore aller en vacances avec ses potes alors que ses amis sont à l'hôpital. Indice pour vous chez vous. Il est fan de chevaux. C'est Guillaume Canet. Et Guillaume Canet donc, va jouer Astérix. Évidemment. Et il réalise aussi. Il réalise. Et ce ne sera plus notre GG adoré qui jouera Obélix. C'était indissociable d'Obélix. Ce sera Glow Up. C'est plutôt Glow Down. Là. Ouais, j'avoue, c'est clair. Gilles Lelouch. Mais Gérard Depardieu, il est trop occupé à tourner des films avec Vincent Lacoste et Xavier Dolan, ouais, apparemment. Voilà, c'est un fou improbable. Vous l'aurez entendu ici pour la première fois. Et... Donc, ouais, l'univers cinématique d'Astérix. Mais franchement, moi je suis un peu chaud parce que déjà j'aime bien quand il y a une adaptation live d'Astérix, même si c'est nul, je suis toujours content. Et. Canet, alors en dépit qu'il fasse des films. Un peu des films de caprice de star, hein, parce que Rock'n'Roll... Je pensais que dire caprice des dieux. Ok. Bah, ça pue comme du fromage. C'est donc. Exactement. Et il peut avoir les moyens de faire quelque chose de correct et avec Astérix. Et je suis curieux de... Moi, enfin, ce qui était assez drôle, c'est que ça a été annoncé hier et tout le monde sur Twitter s'est imaginé qui pourrait faire qui pourrait jouer qui dans les acteurs français. Ils ont fan-casté. Falbala et tout. Et j'espère qu'il y aura, alors c'est la blague de Tonton que j'ai fait depuis hier, mais j'espère qu'il y aura François Cluzet qui jouera « Je suis le parrain de ton fixe ». Ça serait tellement... Mais je suis sûr que c'est tellement possible, ouais, en vrai. C'est tellement possible. Je suis sûr qu'ils l'ont déjà écrit. Je suis sûr que c'est déjà dans leur tête. C'est déjà en train de germer. Mais voilà. Et dans les adaptations BD, parce que notre projet, je l'ai lu ce matin... Le 5 février 2020. Oula, tenez-vous prêt. Faut être prêt, hein. Là, je m'accroche à mon micro. Un carreau du Cobu 3.0. Putain. Ça s'appelle vraiment 3.0. Oh, j'ai envie de me jeter par la fenêtre. Il me semble que c'est réalisé par Elise Moon. Et donc, avec Elise Moon. Bah oui, évidemment, il joue le prof, ouais, le directeur, je sais plus quoi. Et si je dis pas de conneries, il me semble qu'il y aura Norman aussi. Le Norman fait des vidéos. Je ne m'exprimerai pas sur ce sujet. Ouais, 3.0, ok. Donc ce sera plus 0.t que 3.0, je pense, mais... Ça m'étonne que le titre soit pas 0.t, d'ailleurs. Mais ça va parler des téléphones, de Snapchat et des conneries des enfants. Oh là là, toujours sur leurs écrans, ces jeunes. Bah on a hâte. Merci l'univers cinématique de la BD franco-belge. Et... Parce qu'il faut un point cinéma. L'enchaînement. Faut un point cinéma français. Là, on a eu la bande-annonce, un teaser, je dirais même. J'allais en parler. De comment je suis devenu un super-héros. Non. Non. Parce que j'ai une blinde de trailers qui sont sortis mais... à énoncer. Mais vas-y, c'est quoi du coup? Bienvenue chez les Malawa, si c'est, je corse pas le nom, qui est le nouveau film de James Hutt qui a réalisé les Brises de Nice et Elphone, entre autres. Ouh, c'est... Alors en fait... Il y a Christian Clavier dedans, je suppose. Exactement, mais voilà. Faut, en fait, il faut savoir que le projet, à la base, c'est vraiment un glowdown. Et que des glowdowns, de toute façon, parce en que... ce moment, j'ai l'impression. Parce qu'en fait... C'était un film, il y avait un casting de fou et le pitch, c'était vraiment un truc qui vendait du rêve. Quoi. Vas-y, vends-nous du rêve. Donc c'est en gros, c'était Frédéric Lopez, de Grand Éventail Inconnu, ouais. qui parodiait son émission, genre son propre rôle, ouais. et qui emmenait des stars, françaises qui jouaient leur propre rôle à cette émission, ouais. dans un autre tournage, et il leur arriverait des trucs et ils joueraient leur propre rôle dans ces situations. Et c'était Michael Youn, il me semble, qui devait réaliser ce projet. Ah, pas mal. Et on devait avoir bah, Michael Youn, justement, Ramzy, Gad Elmaleh, Florence Foresti. Tous les comiques. Tous les comiques. Ouais. Sauf qu'il y a eu, c'est passé, je ne sais pas quoi, dans le... Dans la machine, dans les coulisses du cinéma français. Et on se retrouve avec le réalisateur de Brise 3. Bon, ça, j'adore Brise 3 et j'aime beaucoup Brise de Lys, donc je pars un peu confiance là-dessus. Mm. Mais on se retrouve, au lieu de tout un défilé de ça, on se retrouve seulement avec Michael Youn, Christian Clavier, Sylvie Testud et Ramzy. Ouais, donc Michael Youn et... Et donc, le teaser est sorti et c'est exactement ce qu'on peut attendre et que les plus masochistes comme moi, des spectateurs... Toi, tu iras en avant-première, voir, direct. Exactement. T'as déjà réservé ta place. Le 25 décembre, ça sort en plus. Oh non, et... mais c'est Noël tranquille, s'il vous plaît. Et c'est Christian Clavier qui fait « Mais il y a un compte poisson qui a bouffé mon passeport oh, !» Voilà. Putain. Et voilà, c'était cadeau. C'était... Ah bah merci. Franchement, je chérirai cette imitation jusqu'à la fin de ma vie. Bon, on a hâte. Moi, évidemment. J'ai hâte en tout cas. Bah, je sais que t'as hâte. Tu nous feras un compte rendu de façon... dans notre épisode de fin d'année, ouais. le meilleur de 2019, bah, la, ce la film. La rubrique comédie française. Top 1, ce film direct. Bornat, est-ce qu'on retournerait pas un petit peu aux Amériques pour finir? Il me reste une petite news. Je sais pas si tu l'as vu passer. Apparemment, Sam Raimi travaillerait sur son prochain film qui sera un film d'horreur. Ouais. Et son dernier film étant, il me semble, Le Magicien d'Oz. C'est avec ça. James Franco, que j'ai vu quand j'étais genre au lycée ou au collège, donc ça remonte vraiment longtemps. Mmh. Pas ouf, franchement. Donc moi, franchement, j'ai hâte parce que, enfin, je suis curieuse de voir. Ce sera il a dit que ce serait un mélange entre Seul au monde et Misery. Seul au monde, Tom Hanks, le ballon, oui, ça, ah, tout ça. Ah oui, oui. Et Misery. Oh, trop bien. Donc, Et apparemment, alors ce serait avec Sony Pictures, et il n'y a pas de titre encore, mais ce serait apparemment écrit par les scénaristes du Vendredi 13 de 2009. Ah, ça c'est... Donc ça par contre, après c'est apparemment, hein, l'article que j'ai lu c'était sur Empire, et c'était que des... c'était au conditionnel quoi, tout l'article était au conditionnel, donc je ne sais pas, mais... Curieuse quand même, parce que bah, Sam Raimi qui ressort des ondes comme ça, c'est étrange. Qu'est-ce qui va commencer très bientôt ? Que notre expert Victor sera ravi de couvrir en duplex de là-bas, t'aimerais tellement, mais la saison des cérémonies va commencer très bientôt. Ah oui. Novembre. Je vais faire mon DJ à louche. D'ailleurs, il me semble que ça a peut-être un peu commencé, parce que on voit, alors, si vous êtes sur Twitter... Vous êtes certainement au courant que ça fait un petit moment qu'on voit des Timothée Chalamet partout, donc sur plusieurs tapis rouges et tout, mais je capte pas vraiment lesquels ils sont, sur lesquels il est, ni dans quel pays, ni à quelle cérémonie et tout, mais on sent que ça arrive un peu, toutes ces... Il y a même des récompenses qui sont attribuées, des trucs, comment on appelle ça, honorari... Les prix de l'Académie, comme il y a eu avec David Lynch. Ouais, voilà, les prix spéciaux, en gros. David Lynch en a eu un, il y a eu Jane Fonda qui en a eu un, j'ai adoré. Elle l'a accepté pendant qu'elle se faisait arrêter à une manifestation pour le climat, il me semble. J'ai adoré ce moment. Et donc, la saison des cérémonies va bientôt commencer, et on en parlera Très certainement, on fera des petits rapports dans les prochains rattrapages, donc tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, et ça m'offre une magnifique transition vers les bandes-annonces sorties ce mois-ci, parce que je parlais de Timothée Chalamet, et qu'est-ce qu'on a eu ce mois-ci comme bande-annonce ? On a eu la dernière bande-annonce complète de The King, avec Timothée Chalamet versus Robert Pattinson. Donc, je ne l'ai pas vu parce que je veux me dévoiler, je vais me garder la alors, surprise. Alors, je ne l'ai pas vu non plus, mais j'ai vu des images passer, et notamment l'image de Robert Pattinson avec ses magnifiques cheveux blonds. Mais j'ai aussi vu des quelques mini-critiques, donc des petites tweets, des reviews quoi, passer en disant qu'on ne voyait pas tant que ça Robert dedans. Donc voilà, on aura plus de temps. Si vous voulez le voir, tournez-vous peut-être plus vers The Lighthouse qui est sorti, il sort bientôt. Il sort le 18 décembre, le même jour La Guerre des Étoiles. Voilà. Transition. Faites-vous pour le trailer. Exactement. Merci, c'est une magnifique transition. On a eu le trailer, deuxième trailer de Star Wars, donc le dernier, le complet, le full, de l'ascension de Skywalker, c'est ça le titre en français ? C'est ça. Et moi, je suis tout bonnement surexcitée, comme une puce. Mon petit rituel avec Eve, à qui on fait un big up. C'est depuis le réveil de la Force, c'est de tous les Noëls aller voir le film Star Wars qui sort à deux. Du coup, j'ai très hâte qu'on aille voir ce film ensemble. Ça va être ça fait depuis le réveil de la Force qu'on attend en ce moment. Ça va être ouf. J'ai beaucoup d'attentes en même temps, mais de toute façon, je suis pas fan hardcore de Star Wars, donc je serais quand même satisfaite. Moi, je vais juste pour le grand spectacle et les personnages que j'aime, quoi. Et toi, je sais pas si tu en as quelque chose à foutre, apparemment. Non, mais c'est sympa, quoi. C'est sympatoche. On va dire que ça m'a tellement saoulé tout ce qui s'est passé avec la réception de The Last Jedi. Alors que c'est le meilleur dit. C'est le meilleur film Star Wars qui existe. Voilà, je l'ai dit. Je suis pas d'accord. C'est lequel pour toi ? Je vais sortir vraiment la réponse de nerd, mais L'Empire Contre-Attaque. C'est le combien, celui-là ? Le 5. Mais le 5... Le 5 dans l'ordre chronologique. Voilà. Donc le 2. Voilà. La deuxième sortie, ok. Pour moi, c'est The Last Jedi. Voilà, et ouais, donc j'avoue, c'était saoulant, tous les pétitions et tout. Enfin, c'est même pas saoulant, c'était juste complètement con, quoi, les gars. Calmez-vous. On retourne très vite fait dans le DCU, le trailer de Birds of Prey aussi qui est sorti. Et moi, je suis surexcitée encore une fois. Ça a l'air trop bien, ça a l'air fantastique, ça a l'air exceptionnel, tous ces personnages que j'aime tellement. Donc c'est avec Harley Quinn, avec Huntress jouée par, comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom, la meuf de Cloverfield Lane, la meuf de Elizabeth Winstead. Marie-Elizabeth Winstead, qui était dans Gemini Man. Exactement, Gemini Man. Une critique en 2-3 mots de Gemini Man. Révolutionnaire, mais scénario de teubé. Donc ouf, visuellement, mais nul, c'est ça, en gros. Apparemment, ça fait un bide. Ouais, incommensurable. Ça fait un bide. En même temps, c'était juste pour la prouesse technique, quoi. Ouais. Voilà. Donc oui, et Marie-Elizabeth Winstead qui joue Huntress. Il y aura René Montoya qui est joué par je ne sais plus qui. Cassandra Cain qui est jouée par... J'ai oublié son nom aussi. Et la dernière qui s'appelle... J'ai oublié un truc avec Bird dedans et que alors je dis j'aime beaucoup ces personnages oubliés et évidemment les hyènes de Harley Quinn aussi et le méchant j'ai oublié son nom mais c'est Ewan McGregor exactement. Si vous avez toujours pas vu cette bande-annonce, je vous invite, j'aime pas vraiment quand les gens disent ça, mais je vous invite à aller la voir parce que franchement ça me vend beaucoup de rêves et ça a l'air mille fois mieux que Suicide Squad et que le Joker, que n'importe quelle chose sortie très récemment avec des Jokers dedans. À part la pub Joker pour le jus d'orange, qui est exceptionnelle. Bah, la variété, franchement, elle est plus rigolote qui est exceptionnelle. Que Joaquin. Hein. D'ailleurs, autopromo, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite, encore une fois, à aller écouter Codex, le podcast. Et dans le dernier, on parle très vite fait de la pub Joker pour le jus d'orange. Et on met un petit extrait, c'est très marrant. Voilà, je me lance des fleurs à moi-même. Et donc, oui, j'ai très, très, très, très, très hâte de voir ce film. Sans transition, mais un peu quand même, Margot Robbie, Birds of Prey, Margot Robbie, Bombshell. Le trailer de Bombshell, et je sais pas si tu l'as vu. Si, avec Billie Eilish en musique. En ouais, alors, attention, hot take, j'aime pas du tout cette chanson. Vraiment, elle me sort pas les trous de nez, mais elle fonctionne tellement bien sur cette bande-annonce. Donc c'est l'histoire vraie de du gars de Roger Ailes. Voilà, Roger, le créateur et le fondateur, le directeur, tout ce que vous voulez, de Fox News, qui a été accusé de harcèlement sexuel, d'attouchement, tout ça, par la présentatrice genre phare de Fox News. Et donc c'est basé sur cette histoire, tout ce qui en est découlé et tout ça. Et le personnage de Margot Robbie est un personnage totalement inventé pour le film. Donc je suppose pour peut-être que ce soit pour que les spectateurs et les spectatrices puissent s'identifier, et, tu vois, pour qu'elles racontent l'histoire. Enfin, je sais pas. Ouais, parce c'est que c'est un petit principe, une petite fonction comme ça. Parce que, ouais, comment dire, là on parle quand même de Fox News, et donc c'est pas au-delà du fait que c'est affreux, bien sûr, ce qui leur est arrivé. C'est des personnalités qui, avant qu'on apprenne toute cette histoire, par exemple. Ouais. C'était des personnes qui n'étaient pas forcément appréciées de tout le monde pour leur position ultra conservatrice. Ouais, bah c'est un peu les BFM TV d'Amérique, quoi, voilà. Fox News. Et il y a une série qui a été faite sur ça cette année aussi, avec c'est Russell Crowe. Là où dans le film c'est John Lithgow qui le joue. Là c'est Russell Crowe, et il y a aussi The Loudest Voice. Ah oui, oui. Et il y a Naomi Watts et Seth MacFarlane qui jouent dedans aussi. Elle était bien, je sais pas. Je l'ai pas encore vue. Bah, en tout cas, moi, si ça vous intéresse, on va peut-être aller la voir. Mais moi, j'ai très hâte de voir ce film qui peut-être va être un peu déprimant, qui peut-être va être un peu chiant, parce que c'est vraiment les histoires dans les bureaux de la Fox, quoi. Mais en tout cas, le trailer est très très bien monté. J'ai une passion trailer, donc j'ai une passion pour les bandes annonces. Donc voilà, allez le voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bande-annonce ? On a eu la bande-annonce du Comment je suis devenu un super-héros, ce dont on a parlé tout à l'heure, film français de super-héros. Donc moi je suis très intriguée. Très intriguée, mais parce que ouais, casting de fou, donc. Alors par contre, je suis très intriguée. Ça a l'air. Enfin, la bande-annonce est très bien rythmé et tout, et elle donne vraiment envie de voir le film. Mais par contre, le costume de Benoît Poulvord, c'est pas possible. Ouais. C'est ridicule. Mais moi le souci que j'ai, c'est que oui, alors ça a l'air intriguant, mais j'espère vraiment qu'il y aura parce que le film sort dans un an, et il sort dans un an, donc j'espère vraiment qu'il y aura un boulot de post-prod, parce que franchement, j'ai vu la bande annonce, je me suis dit ouais, ok, pourquoi pas, et tout, il y a un casting sympa. On a l'air vraiment dans la série France 4 fait par François Descraques. On fait un des bisous quand même, parce que. Voilà. Oui, mais oui. Mais j'avoue, ça fait. Enfin, en tout cas, c'est qu'une bande annonce, donc on peut pas vraiment juger, mais j'avoue que ça fait un peu. Peut-être pas cheap, mais ça fait un peu série, ouais. Mm. Après, si ça sort dans un an, il y a le temps de plein de choses. Et alors. Moi, j'ai hâte, parce que ça parle de super-héros, et parce qu'il y a Vima Lapence dedans. Ouais. Des bisous mais aussi. Oui, à qui on fait un énorme bisou et un énorme big up. Mais après, est-ce que ça va être bien ? Parce que j'ai rien bité à l'histoire dans la bande-annonce, donc voilà, je sais pas. Et une dernière petite bande-annonce que vous avez peut-être pas vu passer, parce que c'est un peu plus indépendant. C'est une bande-annonce sur laquelle je suis tombée il y a pas longtemps, il y a quelques jours, d'un film qui s'appelle Knives and Skin de Jennifer Reeder, que vous ne connaissez pas du tout, ça. Et ça a l'air trop trop bien. Ça parle de... Enfin, le film va parler de la disparition d'une adolescente qui s'appelle Caroline Harper, et du coup ça va suivre un peu ses amis, les gens du lycée, sa famille, sa mère et tout, qui font des recherches, enfin qui font une enquête, et tout ce que ça, tous les impacts différents que ça a sur les gens autour d'elle. Et ça a l'air, enfin visuellement ça a l'air trop bien. Alors j'aime pas trop faire des comparaisons entre réal et tout, comme si un réal avait inventé un truc, mais comme c'est un podcast audio, pour que vous visualisez mieux, on va dire que c'est un peu un mélange entre du Greg Araki et du Lynch, quoi, visuellement et scénaristiquement. Ça a l'air un peu fantastique et en même temps très pop et teen movie. Donc moi, ça m'intrigue beaucoup. Je suis très intéressée. Et apparemment, ça sort bientôt. Alors, ça sort le 20 novembre en France. Ouais. Ça va peut-être pas avoir une distribution c'est une boîte indé, c'est UFO qui qu'ils le distribuent. Ah, mais donc ça sera peut-être pas dans toutes les salles, quoi, dans les plus grandes salles et tout, mais ça sort quand même, donc je trouve ça vachement cool. Et ça sort le même jour que La Reine des Neiges 2. Donc c'est quand même de la concurrence. C'est tout pour les bandes annonces. Est-ce qu'on passerait pas à nos petites recommandations d'octobre, Victor ? Allez. Allez, passons aux recommandations d'octobre. C'est la solution de tous nos problèmes. Jim, c'est impossible, on ne pourra jamais... Je ne me souviens plus de toutes ces histoires. C'est tout ce qu'elles étaient, des histoires. Alors, est-ce que t'en as une, plusieurs, des... Vas-y. Je vais en dire deux. Vas-y, je t'en prie. Un film, une série. Donc, le film, c'est un film Netflix qui est sorti la semaine dernière. Alors, ouais. Ça m'étonne de toi. Victor recommande un truc Netflix. C'est... Dolemite is my name de Greg Brewer. Et c'est tout simplement le film qui me signe le... On parlait de Shrek tout à l'heure. Oula, où est-ce que ça va? C'est le film qui signe le grand retour de Eddie Murphy devant la caméra. Et c'est un film que j'ai regardé comme ça un après-midi, que j'étais curieux de voir, mais j'avais le choix entre regarder Rester chez moi et regarder ça ou aller voir Terminator. J'ai été Rester chez moi et j'ai adoré. Je ne m'attendais absolument pas à avoir un si grand coup de cœur pour ce film. Et qu'est-ce que ça raconte? Alors c'est une histoire vraie qui est jouée. C'est Eddie Murphy joue un gars qui s'appelle Randy Raymour, si je ne me trompe pas. Et en gros, Randy Raymour, c'est un gars qui a révolutionné la blaxploitation. C'est une vraie personne qui a vraiment existé. Oui, okay. C'est ça, en fait. C'est un gars qui, au début, te raconte comment il a voulu percer dans l'humour, dans la comédie, parce que c'est quelqu'un qui a toujours voulu se glisser dans la peau de personnage et faire rire, transmettre quelque chose au public. Donc, tu apprends pendant la première partie du film, pendant les 20 premières minutes, comment il est devenu un comique populaire. Et ensuite, il s'est dit, il va avoir un film de Billy Wilder avec Jack Lemmon dans une salle de ciné où il n'y a que des blancs. C'est un film où il n'y a que des blancs et lui et ses potes ne trouvent pas ça drôle du tout. Et ils se disent, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça et de leurs problèmes, nous, ce que nous et les gens du quartier veulent voir, c'est du kung-fu, de l'action, des punchlines marrantes, et on va faire ce film. Et tu vois, et en fait, le film, ça te montre une bande de potes dans le ghetto, en fait, qui vont décider de faire un film avec tous les moyens qu'ils ont et comment, en fait, ce film va devenir ultra populaire et va être une légende du cinéma de blockbuster. Et j'adore ce film parce que, déjà, c'est ultra vivant. Enfin, on n'est pas dans de la reconstitution toute faite... toute de façade en fait des quartiers des années 70. C'est vraiment quelque chose où dans le fond, enfin l'arrière-plan, ça bouge de partout, tu sens que les personnages sont dans un environnement et tout. Et moi, il y a un truc qui m'a, en fait, c'est un film qui est ultra chaleureux, en fait. C'est-à-dire que tous les personnages, tu les trouves super attachants. Il y a un casting quand même assez dingue. On a donc Eddie Murphy, c'est le rôle de sa vie. Enfin, Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu en plus. C'est ça. Et on voit beaucoup du personnage, de la figure d'Eddie Murphy. Mais en plus, c'est franchement de l'avoir choisi pour un gars qui était un comique et qui a fait. Qui est le symbole, enfin le mec qui a commencé entre guillemets la blaxploitation. Enfin, c'est le meilleur choix, quoi. Totalement. Et. T'as Greg Robinson, donc Duke Judy, ceux qui regardent Brooklyn Nine-Nine, il y a Wesley Snipes. On retrouve Snipes. Wesley Snipes. Blade, donc, toujours dans Blade, le Blade, Demolition Man, tout ça. Et là, il a un rôle absolument génial. C'est un film où on est à la... Ça m'a fait penser à Ed Wood, en fait. Mais c'est, ouais, c'est ce que tu, enfin, moi ça me faisait penser à Tommy Wiseau quand tu me disais le gars qui était au cinéma et qui a dit bah je vais faire mon film avec du kung-fu, des blagues et tout. Ça me faisait penser un peu à Tommy Wiseau qui voulait faire son film, entre guillemets, son Hollywood, enfin sa façon de faire des films et tout. Et du coup, Ed Wood, c'est un peu Et profil, là, quoi. c'est un peu ça, sauf qu'il n'y a pas ce. Contrairement, moi j'ai pensé aussi à The Disaster Artist, mais contrairement à The Disaster Artist, il n'y a pas une ambiguïté, tu sais, sur la Ouais, mais personne, là je où il n'y parlais a juste de pas. la personne vraie, Tommy Wiseau, pas du film de James Franco, parce que je voulais éviter ce sujet avec toi. C'est pas forcément un truc comme The Room ou quoi, parce que là on parle vraiment d'un vrai. Le film a été Un succès, ouais, un pas énorme c'était pas une succès merde, en fait. c'était pas un nanar. Ouais. Ils aient fait. Oui, mais dans le projet de Oui, la dans le personne, c'est ça que je projet. veux dire. Comme Ed Wood qui faisait de la merde, mais Et là, t'as voilà vraiment quoi. une bande de marginaux, en fait. Là où dans Ed Wood, c'était les freaks que filmait Tim Burton. Et là, ce sont des techniciens. Enfin, ce sont même pas des techniciens, c'est des gens qui ne s'y Qui connaissent apprennent sur le pas, tas, qui ouais. apprennent sur le coup, sur le terrain, et qui sont afro-américains, qui n'ont pas forcément leur place. C'était Enfin, dans quelles années, dans dans lesquelles les années années? Ah 70, oui, ok. et qui n'apparaissent pas forcément sur les en tête d'affiche au cinéma. Et là, ils se disent, on va faire un film pour le quartier, tout ça, et Bah oui. ça devient un. Moi, vraiment, je te le recommande. Bah franchement, ça m'intéresse trop. C'est. Parce que déjà, tu me connais, tu sais que les questions de représentation, ça m'intéresse toujours. Et en plus, j'y connais rien à la blaxploitation. Et du coup, bah c'est l'occasion. Et c'est super, en plus ça, c'est super fun. Il y a vraiment de la comédie dans ce Ouais. film. Tu peux t'éclates souvent de rire. C'est, t'as ce petit kiff de voir comment il se débrouille pour faire tel plan ou tel récupérer de l'électricité et Ouais. tout. C'est vraiment un film qui fait. Pour le coup, c'est vraiment un grand film que je trouve très populaire. Ouais. Et qui peut parler à tout le monde Et feel good. et ultra feel good. Ouais, Ah c'est. bah ça me donne trop envie. En vrai, voilà. Si vous avez un petit coup de mou à regarder, Voilà, c'est ça. Dolemite is my name, c'est ça? C'est ça. Et c'est qui le réel? C'est Greg Brewer, c'est le gars qui avait fait Black Snake Moan avec Samuel Jackson et Christina Ricci et qui avait fait Hustle and Flow. Ben, je ne connais pas, mais en tout cas, ça me donne envie de voir ce film. Une deuxième recommandation série? Série et c'est Succession. Succession, qui Donc, n'a pas commencé en octobre, qui mais n'a qui a pas commencé, terminé en qui a octobre. terminé en octobre. Et donc, de quoi ça parle Succession? De Succession, De peut-être. Succession, voilà, de Succession. C'est, pour faire simple, c'est le patron d'une grande conglomération de médias médiatiques, télévision, journal, parc d'attractions aussi. Qui est un peu sous le déclin, enfin son empire est au déclin, tout ça. Enfin, le PDG en tout cas de ça. Et ses enfants, qui sont des gosses pourri gâtés, Forcément, bah oui. des enfants pourri gâtés, affreux, abjects, et qui font leur petite vie dans le coin, veulent prendre la place, être calife à la place du calife. Et voilà, alors au début on peut se dire, tiens, mais c'est un petit peu une série. On peut avoir peur d'une série à la Aaron Sorkin ou à la C'est House genre, of ils vont Cards. se battre pour savoir qui va être l'héritier, en gros, c'est ça. Et il y a un peu. En fait, ça commence comme ça. Et en fait, c'est fait par Jesse Armstrong, qui est un scénariste de grande renommée, qui avait fait, il me semble, The Thick of It avec Peter Capaldi, Oui, qui est. Ah, mais oui, c'était trop drôle ça. et qui avait fait l'épisode de. Un des seuls épisodes de Black Mirror que je trouve bien, qui est celui avec je fais Les les gestes, lentilles. les lentilles, ouais. Ah, celui avec les souvenirs là. Ouais, Qui avait d'ailleurs Jodie Whittaker dedans, c'est qui est ça. la nouvelle docteure. Et c'est écrit par lui, et donc le scénario, l'écriture est extrêmement drôle. Mais les British, non? Parce que The Sick of It, c'était British, et Black Ouais. Mirror aussi. Mais ça c'est une série Oui. américaine, Oui, mais le avec mec, le mec il est est en anglais. anglais, Comme quoi, les scénaristes anglais, c'est les meilleurs. ouais. Et c'est super drôle, on se surprend à aimer ces personnages de salopards. pété de thunes et tout. Voilà, la saison 1, c'était la série qui avait fait l'ouverture à Sérimania. Donc Mais je tu l'avais m'as vu en la présence du scénariste justement, et il y avait Brian Cox et Yamabase qui jouent dans la série, mmh. qui étaient là, et franchement j'avais un peu laissé de côté après avoir vu Mais le j'avoue que quand pilote. la saison 1 elle passait, enfin je voyais de temps en temps des gens en parler et tout, mais c'était un peu genre enfin en tout cas en France c'était un peu Bah, même aux OZEF quoi. États-Unis, hein, Et la même. saison 2 tout le monde en Mais parlait. elle est meilleure, elle est Ouais. vraiment meilleure que la saison 2 et. Enfin, que la saison 1. Une fois qu'ils ont réussi à présenter le terrain sur la saison 1, Ouais, ça là se c'est place quoi. un jeu de massacre avec des scènes absolument dingues. Mmh. Et alors, faut aimer écouter des riches parler Ouais, c'est ça, finance et tout. c'est que il parle tout le temps, tout le Voilà, temps, tout ça le temps, parle tout le tout le temps. temps, Ouais. tout le temps, tout le temps, mais moi Mais c'est. la musique du générique, elle est par Nicolas Britel. Nicolas Britel, donc Donc, c'est un bon point. voilà. Et voilà. Et toi? Moi, une série aussi, une série qui vient de commencer, une série française qui est sur France TV Slash. Ah, je Il n'y a que vois. deux épisodes qui sont sortis et ça s'appelle Mental et c'est trop bien. Il n'y a que deux épisodes donc je peux pas juger grand-chose, mais en tout cas, les deux épisodes sont très très bien. Ça parle d'un gars qui s'appelle Marvin et qui, après une décision de justice, est envoyé dans un hôpital psy. Au lieu d'être envoyé en prison, en fait, c'était l'un ou l'autre. Très pro Victor, c'est pas grave. Et du coup, il se retrouve dans un hôpital et puis il dit tout le temps, non, j'ai rien à foutre là, je suis pas fou et tout. Et il va rencontrer trois personnes, enfin les trois autres personnages principaux, donc Simon, qui lui est borderline, Estelle et j'ai oublié, je crois que c'est Gaëlle le nom de l'autre. Et il y en a une des deux qui entend des voix, donc son diagnostic est pas clairement dit, mais je suppose qu'elle est schizophrène. Et l'autre, celle qui va un peu dragouiller beaucoup Marvin, elle, tout ce qu'on a vu de là d'elle, c'est qu'elle a beaucoup de TOC, mais après je sais pas trop, vu qu'il y a que deux épisodes qui sont sortis. Mais en tout cas, c'est la meilleure représentation des maladies mentales que j'ai vues cette année, d'autant plus récemment, et qui ça fait du bien pour une fois de voir des personnages qui sont malades, enfin qui ont des pathologies, des maladies, tout ça, et qui sont pas traités comme genre les méchants et qui vont aller tuer tout le monde et qui sont dangereux et qui Et qui sont des voilà et clowns. qui sont des clowns et qui voilà. Et franchement, ça fait du bien et c'est bien fait. Tu sens qu'il y a eu de la recherche derrière et qu'il y a alors j'en sais rien, c'est moi qui dis des trucs, je sors totalement de nulle part, mais peut-être qu'ils ont parlé à des personnes concernées, tout ça, parce que vraiment tu sens qu'il y a une certaine bienveillance. Il y a le personnage d'une psy, une conseillère, je sais pas trop, jouée par Nicole Ferroni. Alors Ah si vous ouais. connaissez Nicole Ferroni, et elle est trop drôle, et en même temps elle est cool. Le personnage d'un infirmier qui est très proche des patients, qui s'appelle Riyad le personnage, et qui est joué par... J'ai oublié son nom, mais qui est aussi trop cool. Mais ouais, franchement, ça fait, c'est marrant, c'est touchant. Le deuxième épisode, j'ai pleuré à la fin. Donc déjà, voilà. Si j'ai réussi à pleurer des deux épisodes de 20 minutes, c'est que vous savez que c'est qualitatif. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Faudrait faire un logo sur les affiches maintenant. Jade Jada a pleuré. pleurer, si l'on veut pouvoir, Jada pleurer. Mais je pleure tout le temps, tu le sais, je pleure devant les pubs, donc voilà. Mais oui, c'est réalisé par Slimane Baptiste Béroun. Je ne sais pas s'ils vont parler de François Descraques tout à l'heure. C'est un grand compère de François Descraques qui était Oui. Ok. dans ou qui a écrit sur Le Visiteur du Non, Futur. je Mais crois en qu'il tout était cas, dedans. les deux, enfin, il a écrit, je sais, le livre ou la BD qui est Mais. sortie. Il écrit beaucoup. Il a aussi réalisé sur Les Engagés, qui était une série France 4, il me semble, ou France TV Slash aussi. Enfin, c'était une web série France Télé. J'allais dire un autre truc. Oui, je disais ça fait du bien de voir des personnages représentés, des personnages malades mentaux représentés bien, représentés. D'autant plus que en ce moment, c'est bien de rappeler que statistiquement, les personnes qui sont malades ou qui sont atteintes de pathologies psychologiques, tout ça, etc., sont statistiquement les plus susceptibles d'être victimes de violences et pas perpétrées. et de pas perpétuer la violence. Donc voilà, ça fait toujours du bien de le rappeler, surtout en ce moment, après un certain film qui est sorti au cinéma et qui m'a mis hors de moi. Enfin bref, regardez Mental sur France TV/, c'est gratuit, c'est disponible sur le site de France TV/ en streaming, et ça sort tous les vendredis. Voilà, et une deuxième série que toi aussi t'as vue et que je pense toi aussi tu recommandes, c'est Watchmen. Ouais. Toute série HBO, comme Succession d'ailleurs, il me semble qu'il y a aussi une série HBO. Décidément, hein, c'est les gars d'HBO. Voilà, c'est, on parlait de Game of Thrones tout à l'heure, bah voilà. Non, mais franchement, HBO qui continue à faire de la qualité, enfin, en tout cas, je sais pas si ceux qui produisent, mais en tout cas, diffuser de la qualité. Série créée par le gars qui a fait The Leftovers. Damien Lindelof. Le mec de The Leftovers. J'ai jamais vu The Leftovers, mais apparemment, c'est excellent. Donc voilà. Et en l'occurrence, les deux premiers épisodes de Watchmen qui sont sortis sont excellents. Et que vous ayez lu ou pas Watchmen, que vous ayez vu ou pas le film de Zack Snyder, franchement, peu importe. On comprend quand même ce qui se passe. Il y a quand même quelques petites références à Dr. Manhattan, tout ça. Je pense que, par exemple, tout le délire avec le personnage de Jeremy Irons... Il y a même des gens qui ont lu Watchmen qui captent pas, hein. Ouais. Qui capte pas qui c'est, alors que c'est clairement, on dit clairement son nom, mais on dit pas son nom de super-héros entre guillemets, mais on dit son vrai nom. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas lu Watchmen. J'ai une édition collector magnifique, voilà. Juste là. Je suis jaloux. que j'ai eu pas si cher à Forbidden Planet, qui était en promo. Enfin bref, ça fait très longtemps que j'ai pas lu Watchmen, donc c'est totalement flou mes souvenirs de Watchmen. J'ai le souvenir des noms des personnages, de vite fait le pitch, mais franchement. C'est pas important, enfin, tu comprends quand même assez bien ce qui se passe. Ça se passe des années après la BD, ça n'a rien à voir avec le film, c'est la suite de la BD. Et c'est des tout nouveaux personnages, à part, il y a quelques personnages qui viennent de la BD, comme, spoiler alerte ou pas, le personnage de Jeremy Irons. Et on parle vite fait, on fait des références à Dr. Manhattan dedans, qui n'est plus là. Donc, l'héritage de Rorschach. Oui, voilà, c'est le pitch de la série, c'est le principal de la série, mais en gros, du coup, oui, c'est la suite de la BD, donc il y aura quelques trucs, peut-être vous n'aurez pas les références, mais ça se suit et ça se comprend très bien sans avoir ni lu ni ou vu le film, et c'est trop bien, c'est juste Regina King, c'est le sang de la veine, c'est ma vie, elle est exceptionnelle, c'est le personnage principal qui s'appelle Angela Abar, il me semble. Il y a aussi Jeremy Irons, tu l'as dit. Et comment il s'appelle, le mec? Don Johnson. C'est le gars qui joue le mec avec son truc... Non, lui c'est Tim Blake Nelson. Et Tim Blake Nelson, trop content ça. De voir qu'il joue. J'adore cet acteur et le personnage, il est intéressant. Ouais. Et il y avait Don Johnson dans le premier épisode, mais... Il joue qui, lui, déjà? Attends, peut-être qu'on va couper si c'est un spoiler. Il joue le chef de la police, c'est tout ce que je peux dire. Oui, ok, d'accord. Oui, il est dans les deux premiers, il y est. Oui, dans les deux premiers. Oui. C'est les deux seuls qui sont sortis, donc techniquement, ce n'est pas un spoiler. Mais oui, c'est trop bien. Et pour pitcher très vite fait, en gros, donc c'est après la série Watchmen, mais enfin la BD Watchmen, mais peu importe. C'est en Amérique, à Tulsa. C'est ça le nom de la ville, Tulsa. Où en gros les super-héros, les vigilantes avec des masques et tout sont en gros interdits, me semble, parce qu'il y a eu plein de bails. Et il y a tout un groupe, en gros c'est le Ku Klux Klan, quoi, c'est des gars, des suprémacistes blancs, qui portent des masques avec des taches de les taches qu'on voit chez les psys, là vous voyez de quoi je parle. Qui en gros prône des idéaux d'extrême droite, donc de suprémacistes blancs, et qui sont totalement anti-police. Et ça suit les événements d'une nuit qui s'appelle la White Night, où en gros ont été visés tous les policiers de cette ville, et en découle tout l'impact de cet événement que ça a. Et en gros, la personnage principale de Angela Abar. Jouée par Regina King, qui est aussi une, entre guillemets, super-héroïne. C'est pas vraiment des super-héros, c'est des vigilantes, je sais pas comment on dit en français. Je sais pas du tout. Ouais, c'est de la justice sauvage. Des justiciers, voilà, en gros, qui portent des masques et des tenues et tout de super-héros, encore une fois. Et donc du coup, elle va enquêter sur... ça va être l'enquête autour de ce groupe, autour de plein de choses qui arrivent et tout. Et c'est super intéressant, c'est super cool à suivre. C'est très, très dark, d'une ouais. certaine façon. C'est assez violent, parce que forcément, c'est Watchmen. L'intro, elle calme. L'intro, ouais, et... voilà. Peut-être un petit trigger warning. Je sais pas s'il y en a un en début de l'épisode, parce que je l'ai pas regardé sur HBO. Alors, je sais pas, parce qu'en plus, j'ai l'impression que dans le deuxième épisode, ils se moquent un peu de ça. Quand ils montrent, quand ils présentent la série qu'ils regardent et que tu vois un trigger warning. Présente la série qu'ils regardent. Mais ils regardent une série sur. Ah oui, oui, oui, oui, exact. Et qu'il y a un trigger warning extrêmement long. Je sais pas si c'est de la moquerie. Je pense que c'est juste pour montrer que bah c'est ultra violent de ouf, quoi, et que ça, c'est tout le monde en prend pour son grade. Mais oui, c'est la première scène, bah c'est un bon gros racisme bien violent, quoi. C'est horrible et c'est un truc, ouais. C'est la. Moi, je ne savais pas. Moi non plus. Et ça s'appelle, bah apparemment, pas. Enfin, en même temps, nous sommes pas des personnes afro-américaines, donc on est peut-être moins susceptibles d'être au courant de cet événement qui s'appelait. Le massacre de Tulsa, ouais. Un truc du genre, et c'est une vraie chose qui s'est vraiment passée. Black Wall Street, ça s'appelait. Exactement, ça s'appelait Black Wall Street, j'ai encore googlé tout à l'heure. Et c'est un vrai événement qui s'est vraiment passé, et du coup la scène d'intro, c'est une scène qui suit des personnages pendant cet événement, qui est juste horrible. Mm. C'est vraiment, c'est assez terrifiant, et donc faut avoir le cœur bien accroché. Donc voilà, Watchmen, c'est exceptionnel jusqu'ici, c'est très bien écrit, c'est très bien joué évidemment. La musique, Trent Reznor et Atticus Ross, donc les mecs de Nine Inch Nails qui ont fait plein de choses. David Fincher, The Social Network, Mid-90s exactement, dont on avait parlé dans un ancien épisode. Et oui, donc faites peut-être, accrochez-vous, première scène du premier épisode, elle est assez violente, assez dure à regarder. Toute la série est assez dure à regarder, en tout cas jusqu'ici, mais... La première scène, elle est bien hardcore. Voilà, c'est tout pour les recommandations. Est-ce que tu as peut-être une dernière chose à ajouter ? Non ? Ce sera tout pour ce petit rattrapage d'octobre. Donc voilà, c'est tout ce qui s'est passé plus ou moins pendant le mois d'octobre. J'espère que vous avez appris des choses, peut-être, peut-être pas. Si vous avez des choses à nous dire, enfin des infos qu'on a loupées, peut-être envoyez-nous un DM, un message privé sur Twitter, @s5p42. Vous pouvez aussi nous suivre, enfin vous abonner, nous mettre 5 étoiles, ou 1 étoile, ou 2, ou 3, ou 4. Mettez 5 étoiles, c'est plus sympa et ça nous aide un peu quand même beaucoup. Sur iTunes, sur n'importe quelle plateforme, j'invente des mots, plateforme de podcast que vous utilisez. Et ben, on se dit au mois prochain pour un prochain épisode et à bientôt. Au revoir. I ain't lying. Listen. On the day that he was born, his pappy wore a sign saying, Dolomite is real, and this bad, bad brother is mine. Hey, yeah, yeah. Dolomite. Oh, brother, you're out of sight. And listen while I run down the man's pedigree. Hey, hey, all he's gold and bold, no heart, plenty soul. He's rough and ready. Don't try to stop, cause you still will regret it. Oh, man is dynamite. Dolomite. Dolomite. Dolomite. Dolomite. Yeah, yeah, you're all right. Dolomite. Hey, brother. Oh, you're out of sight. Dolomite. All you fellas who's jealous, I think you ought to be told. all right now. Look out for time bomb and dynamite. At any time, a man might explode. Mm-hmm. He's the coldest and the boldest man that ever been in town. You know what? He can stick one thumb in the ground and turn the whole world round. And that's Dolomite, y'all. Dolomite. Yeah, yeah.